us are not ready. Never fades away. It's staying. Your kiss like broken glass on my skin. And all the greatest loves end in violence. It's tearing up my voice, left in silence. Baby, it hits so hard, holding on to my chest. Maybe you left your mark, reminding me to forget. It doesn't matter where you are, you can keep my regret. Baby, I got these scars, reminding me to forget. Reminding me I got these scars to forget your love. Keep reminding me, oh, to forget your love. No room in war for feelings. Hurt me to the core, still healing. And I know you're no good for me. So I try to forget the memories. Cause baby, it hits so hard. I'm holding on to my chest. Maybe you left your mark, reminding me to forget. J'adore ce titre, Kaigo et Miguel, Remind Me To Forget, sur Espace, en Normandie et en Picardie, à Louviers, à Évreux, à Rouen ou encore à Grand-Quevilly. J'espère que tout va bien, bon réveil à ceux qui ouvrent les yeux, soyez les bienvenus. Mais je vais déjà vous quitter car le pré-morning c'est terminé. Je vous laisse avec un tube souvenir, c'est Jean-Jacques Goldman avec Là-bas. À 6h ce sera Cédric jusqu'à 9h pour le Morning Light. Et je vous rappelle qu'il vous fera gagner à 7h55 vos passes pour le festival Rock in Évreux, tout comme Ludo ce soir dans l'After School. Et puis pour ma part, je vous retrouve tout à l'heure 9h-11h sur Espace Normandie Ouest. Et puis dans la journée avec Cédric, nous serons présents à Canteleu pour animer iDéfi. On vous attend nombreux évidemment si vous êtes de passage dans le coin. Pour les autres, rendez-vous demain 4h-6h, je serai également là. Allez, passez une belle journée, bon courage pour le bac, ça continue aujourd'hui, alors force à vous. Et puis passez une superbe journée, à demain, ciao. Tout est neuf et tout est sauvage. Libre continent sans grillage. Ici nos rêves sont étroits. C'est pour ça que j'irai là-bas. Là-bas. Du cœur, il faut du courage. Mais tout est possible à mon âge. Si tu as la force et la foi, l'or est à portée de tes doigts. C'est pour ça que j'irai là-bas. là-bas, loin de nos vies, de nos villages. J'oublierai ta voix, ton visage. J'ai beau te serrer dans mes bras, tu m'échappes déjà là-bas. J'aurais ma chance, j'aurais mes droits. Et la fierté qu'ici je n'ai pas. Bienvenue mercredi 20 juin 2018, 6h, bon réveil avec l'info. L'essentiel de l'actualité, Philippe Fournier. Bonjour à tous. Terminus pour la grève unitaire à la SNCF. L'UNSA a décidé hier de sortir du mouvement après le 28 juin, refusant de poursuivre en juillet la contestation de la réforme ferroviaire, au contraire de la CGT et de Sud, qui s'acheminent vers une grève les 6 et 7 juillet. La CFDT se décidera d'ici au 28 juin, qui sera d'ailleurs le 36e et dernier jour du calendrier de la mobilisation par épisode de 2 jours de grève sur 5 lancés le 3 avril. Le gouvernement récidive sur l'APL. Les bénéficiaires vont de nouveau perdre 5 euros car les aides au logement ne seront plus revalorisées au mois d'octobre. Une mauvaise surprise pour tous ceux qui en bénéficient car il n'y aura pas de bonus alors même que les loyers seront plus chers. Les États-Unis se retirent du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. L'ambassadrice américaine auprès des Nations Unies a annoncé ce départ en qualifiant l'institution de cloaque de parti pris politique. Kim Jong-un a évoqué hier à Pékin avec le président chinois son sommet historique avec le président américain, une visite qui illustre les efforts de la Chine pour jouer un rôle constructif dans le dossier nucléaire. La venue du dirigeant nord-coréen en Chine, la troisième depuis mars, survient alors que Pékin est engagé dans une vive escalade avec Donald Trump sur le différend commercial sino-américain. Le bilan du tremblement de terre survenu lundi à l'heure de pointe matinale dans la région d'Osaka au Japon s'est alourdi, atteignant 5 morts et quelques 370 blessés. Des nouvelles du mondial, les Lions de la Teranga ont réussi hier une nouvelle fois leur début au mondial en offrant au continent africain sa première victoire, comme en 2002 où le Sénégal était allé jusqu'en quart de finale. Le Sénégal a dominé la Pologne 2-1. La Russie a fait un grand pas vers la qualif pour les huitièmes de finale en battant l'Égypte de Mohamed Salah sur le score de 3-1. Et puis à 10 contre 11 pendant près d'une heure et demie, la Colombie s'est mise toute seule en grande difficulté face au Japon. Match perdu par les Colombiens 2-1. Sur la plus normande des radios, Cédric, 6h-9h. Nous sommes prêts pour une nouvelle matinée ensemble à H-24 avant la fête de la musique. Morning Light sur Espace. Et il en est pas mal question cette semaine dans le morning, bien sûr. Sinon, 6h25, 8h25, nouveau coup de fil pour connaître un événement en Normandie ou en Picardie à 7h40. Le pile ou face de l'info à 7h50 et 8h40. C'est l'info trafic en temps réel. Solène Dulou partout sur les routes normandes et Picardes à 8h08. Pensée positive, 8h20. L'actu originale de Johanna. Et puis 7h55. Vos places pour Rock in Évreux, on a des accès 3 jours toute la semaine à vous offrir. Vous en gagnez aussi chez Ludo le soir dans l'After School. Et donc à 7h55, il faudra appeler au 0950 35 50 50. L'émission d'hier en direct des Trépanis à la Ludo Médiathèque, vous la retrouvez sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram. Merci pour l'accueil, les amis. Sound of Legend, on commence tranquillement, quoique ce mercredi matin, avec What a Feeling et courage pour le bac. Espace. Tu me disais que l'on s'aimait, que tous les deux on était liés. Aujourd'hui c'est terminé, tu pourras bien me consoler. J'ai mis du temps à comprendre, j'ai été béni par la colombe. Je sors enfin de ma tombe, plein de femmes qui m'attendent. Number one. pendant ce temps t'aimais un autre. T'inquiète pas, j'en prends note. Je compte plus les heures passées à me leurrer. Désormais en toi et moi c'est du passé. You and I, and I, and I. C'est die, c'est die, c'est die. You and I, and I, and I. C'est die, c'est die, c'est die. Forget you. Let me forget you, Kelvin, à 6h09. Et puis vous avez rendez-vous pour la fête de la musique demain soir, Place Nationale et Alain Carman à Gournay-en-Bray avec Espace, Pause et Yam Payne, Rita Ora. Écoute ça. Écoute ça. C'est frais. C'est frais. Écoute. Been waiting for a lifetime for you. Been breaking for a lifetime for you. Wasn't looking for love till I found. L'ALEC 27 vous présente la Minute Réflexe Environnement. Je viens de m'inscrire aux Conversations Carbone de Louviers. Au quoi ? Aux Conversations Carbone. Mais qu'est-ce que c'est ? Une série d'ateliers organisés par l'Agence Locale de l'Énergie et du Climat pour agir moi aussi pour le climat. C'est-à-dire ? Bah, je voudrais participer aussi à la lutte contre le changement climatique et réduire mes émissions de CO2. Oh là là, ça va être super contraignant. Eh ben non, justement, ces Conversations Carbone, c'est pour se donner des objectifs simples et concrets adaptés à son propre mode de vie. Ah, et pourquoi t'as besoin de participer à un groupe si c'est pour te faire un plan d'action à toi ? Bah, on va pouvoir échanger sur les bonnes pratiques, récupérer des tuyaux et tout ça en toute convivialité. Avoue que c'est quand même plus sympa que d'être tout seul dans son coin. Ça oui, t'as raison. Mais ça coûte cher. Juste 15 euros, l'adhésion à l'ALEC. Et ça va te permettre d'accéder à leur matériel de mesure, récupérer de la doc. Ah, tu sais que tu me tentes bien. Et c'est quand ? 6 ateliers de 2 heures les mercredis soirs à raison d'un tous les 15 jours. Ok, et ça commence quand ? Premier atelier, le 11 avril de 19h à 21h à l'ALEC au centre-ville de Louviers. Banco, je m'inscris. Eh mais attends, si tu t'inscris, tu t'engages pour les 6 ateliers. Hein. Banco, je t'ai dit. Où je m'inscris ? Soit par mail à eie@alec27.fr, soit appelle le 02 32 59 25 70 ou sur le site alec27.fr, tu tapes conversation carbone et sur l'article il y a le formulaire d'inscription. C'était la Minute Réflexe Environnement avec l'ALEC 27. Vous vous interrogez sur l'entretien de votre voiture. Votre voiture est une Peugeot. Que ce soit pour votre vidange, vos pneus, votre pare-brise ou même votre carrosserie, que Peugeot s'occupe de tout, c'est logique. C'est quand même eux qui ont fabriqué votre Peugeot. Et le prix dans tout ça ? Chez Peugeot, pas de compromis entre la qualité et le prix. Nos experts interviennent à des prix compétitifs sur toutes les opérations d'entretien et de réparation de votre véhicule, des plus simples aux plus techniques. Garage Chevalreau, agent Peugeot, Les Andelys, 17 rue Henri Rémy, 02 32 64 36 36. Voir conditions sur Peugeot.fr. Vous avez un projet immobilier ? Vous souhaitez vendre, acheter ou louer ? Faites appel aux super-héros de l'immobilier. L'Immobilière Normande, 8 agences, 20 conseillers. 02 32 40 19 90. Retour des meilleurs tubes. Dans quelques secondes. Sur Espace. Le France, le dance floor de référence. Chaque vendredi, soirée No Limit. Retrouvez des thèmes de soirée différents chaque samedi. Deux salles, deux ambiances et une totale de cadeaux pour un max de folie. Le France, le paquebot du monde de la nuit à Bernay. Connectez-vous sur www.discothèque-le-france.fr. Maintenant. Espace Vallée de l'Andelle, 106.4. Espace Radio. Priorité au tube. Been waiting for a lifetime for you. Been breaking for a lifetime for you. Wasn't looking for love till I found you. Hold my night for love till I found you. Skin to skin, breathe me in. Feel with your kiss on your lips. I'm made of ecstasy. I'll be yours. Rita Ora, ça sort du lit. For You sur Espace en Normandie et en Picardie. Rock in Évreux. Trois jours à découvrir avec des artistes de ouf comme DJ Snake ou encore Feder. Et vos places, vos accès à gagner tout à l'heure à 7h55. La plus normande des radios, les titres de l'info. Bonjour à tous. Après les propos discriminatoires de la responsable du service des adoptions du conseil départemental de Seine-Maritime, Jacques Toubon, le défenseur des droits, va enquêter sur les pratiques de ce service. Pascal Martin, le président du département, a commandé un audit externe pour traquer de possibles dysfonctionnements. Enfin, l'association des familles homoparentales a annoncé avoir déposé plainte et demande à être reçue par le Premier ministre Édouard Philippe pour engager une réflexion sur les procédures d'adoption. L'agent du département avait déclaré que les couples homosexuels des couples atypiques devraient se diriger vers l'adoption d'enfants atypiques. Les conseillers retraite de la CARSAT Normandie dans la rue hier matin à Rouen-Elbeuf ou notamment à Évreux où se situe la seule agence de l'Eure depuis l'été dernier. Les salariés dénoncent une activité surchargée et l'incapacité de recevoir et de renseigner des assurés dans de bonnes conditions, y compris dans les permanences mises en place dans plusieurs villes ou départements. Les conseillers réclament donc une nouvelle réflexion sur l'organisation du service et des embauches en CDI au niveau régional. La plus normande des radios. Espace, la plus normande des radios. than a BMP. BMP. Marwalon Mikolason, et à partir de ce vendredi, vous allez pouvoir profiter du festival du cirque. Ça se passe au Val d'Azé, à l'espace culturel Marcel Pagnol. Coup de fil du jour, juste après votre horoscope. Voyez la journée d'un bon œil avec votre opticien Open Optique, 11 rue Pierre Corneille, aux Andelys. Bonjour, nous sommes le mercredi 20 juin. Bélier, vous ressentirez un surcroît d'énergie à dépenser. Lâchez-vous, éclatez-vous. Cette journée est la vôtre. Taureau, vous recevrez bientôt une nouvelle qui saura vous combler de bonheur. Restez sur vos gardes, elle ne va pas tarder. Gémeaux, invitez vos amis à venir avec de nouvelles personnes et vous ferez ainsi des rencontres intéressantes qui pourraient transformer votre vie affective. Cancer, votre attitude enjouée peut aider dans une situation délicate car les sentiments vis-à-vis de votre moitié restent forts. Lion, c'est le moment idéal pour entreprendre intelligemment une nouvelle carrière et une nouvelle vie. Vous avez toutes les cartes en main. Vierge, de nombreuses sorties ou réceptions pourraient bien vous mettre sur les genoux. Aussi, prenez le temps de bien vous reposer. Balance, vous saurez restaurer des liens devenus fragiles et votre mutuelle compréhension vous apportera des sensations fortes bien agréables. Scorpion, on vous saura gré de votre franchise. Une personne pense très sérieusement à vos finances en ce moment. Sagittaire, vous saurez donner la bonne réponse à une question que vous vous posez depuis longtemps. Mais pour cela, il faudra laisser parler vos sentiments. Capricorne, vous serez récompensé car une opportunité vous est offerte de partir en voyage vers l'étranger. Surtout, ne vous posez pas de questions et acceptez. Verseau, modérez-vous et révisez votre jugement intransigeant pour éviter un éventuel conflit. Vous parvenez à une heureuse conclusion. Poisson, toutes les démarches effectuées ces derniers jours vous serviront dans un futur proche. Un conflit professionnel sera évité grâce à vous. Bonne journée et rendez-vous demain à la même heure pour votre horoscope. C'était votre horoscope avec votre opticien Open Optique, 11 rue Pierre Corneille, aux Andelys, 02 32 51 38 69. Morning Light sur Espace. Cédric vous file le contrôle de la radio. C'est l'événement du jour. Et ce jeudi 21 juin, c'est la fête de la musique. Espace sera à Gournay. En vrai, vous aussi, mais que va-t-il se passer exactement? Réponse maintenant en appelant Monsieur le maire, Monsieur Éric Picard. Allô. Monsieur Picard, bonjour, Cédric Espace, Normandie Picardie, vous allez bien? Oui, très bien, bonjour Cédric et bonjour à tous les auditeurs d'Espace. Qui vont venir pour la fête de la musique ce 21 juin, alors quel est le programme? Je crois que ça se passe sur deux places à Gournay-en-Bray. Voilà, nous avons à Gournay-en-Bray l'habitude de fêter la musique le 21 juin et nous allons fermer tout le centre-ville et nous allons édifier deux podiums sur deux places différentes avec des programmations tout à fait différentes et variées. Ça va du soul, de la soul music à l'électro, à l'électropop, au rock'n'roll. Je pense que tous les publics, jeunes et moins jeunes, seront satisfaits et faut venir, voilà. Et alors, tout le monde participe, les associations aussi. L'année dernière, le jumelage était là, cette année aussi. Évidemment que toutes nos associations sont mobilisées autour de ce projet. Il y en a qui assumeront la logistique, la restauration, la buvette et tout quanti. Et il y aura toutes celles qui participeront aussi à la fête de la musique par leurs prestations sur scène. Et c'est ça aussi le bouquet formidable, c'est associer des musiciens, des groupes qui rayonnent régionalement, voire au-delà. Et puis les associations locales qui, elles aussi, ont leur talent à faire valoir et à montrer. Voilà, tout ça de 19h15 jusqu'à minuit. Je pense que cette belle soirée qui nous est annoncée, parce que la météo reste propice, va être une belle fête de la musique, comme on a l'habitude de les faire à Gournay. Rendez-vous ce 21 juin à Gournay, merci. Merci beaucoup, à bientôt les auditeurs d'Espace. Ils sont incontournables. Sur Espace, écoutez les meilleurs souvenirs. L'actu en Normandie. Bonjour à tous. Après les propos discriminatoires de la responsable du service des adoptions du conseil départemental de Seine-Maritime, Jacques Toubon, le défenseur des droits, va enquêter sur les pratiques de ce service. Pascal Martin, le président du département, a commandé un audit externe pour traquer de possibles dysfonctionnements. Enfin, l'association des familles homoparentales a annoncé avoir déposé plainte et demande à être reçue par le premier ministre Édouard Philippe pour engager une réflexion sur les procédures d'adoption. L'agent du département avait déclaré que les couples homosexuels, des couples atypiques, devraient se diriger vers l'adoption d'enfants atypiques. La troisième commission régionale de stratégie numérique s'est réunie hier à Rouen pour dresser le bilan du déploiement du très haut débit en Normandie. D'ici 2020, en zone d'initiative publique, 560 000 lignes en fibre optique seront déployées pour un débit minimum de 100 Mbps et pour un investissement total qui s'élève à près de 775 millions d'euros. Et puis, 5 nouvelles conventions de suivi de déploiement des réseaux de fibre optique à l'abonné en zone d'initiative privée ont été signées. Il s'agit notamment des villes de Louviers, Vernon ou de la métropole Rouen-Normandie. Les conseillers retraite de la CARSAT Normandie dans la rue hier matin à Rouen-Elbeuf ou notamment à Évreux où se situe la seule agence de l'heure depuis l'été dernier. Les salariés dénoncent une activité surchargée et l'incapacité de recevoir et de renseigner des assurés dans de bonnes conditions, y compris dans les permanences mises en place dans plusieurs villes du département. Les conseillers réclament donc une nouvelle réflexion sur l'organisation du service et des embauches en CDI au niveau régional. Dans moins d'un an désormais, l'Armada 2019 s'amarra sur les quais de Rouen. 17 voiliers civils ont déjà signé leur présence du 6 au 16 juin. En tout, près de 50 bateaux participeront à la fête marine. À précision de Patrick Herr, le président de l'association organisatrice l'Armada de la Liberté. Il y a des voiliers d'État, comme le Cotemoc, de Libertad, de Vespucci, qui ne répondent que 6 mois à l'avance. On espère avoir le CEDOF, qui est vraiment le plus grand voilier du monde, avec ses 120 mètres de longueur, plus de 60 mètres de tir en mer. Il est en train de faire réduire les mâts pour qu'il puisse être présent. Ce serait une grande première d'avoir à Rouen les deux plus grands voiliers du monde. Parmi les navires de renom qui pourraient accoster sur les quais rouennais, l'Hermione, la réplique de la frégate qui a conduit Lafayette en Amérique en 1780. Fête des navires, de la mer et du fleuve, l'Armada est également l'occasion d'animations diverses. Des concerts, des feux d'artifice, le défilé des équipages, la grande pagaille, le footing de l'Armada, beaucoup de manifestations sportives aussi et culturelles dans la ville. Le budget de l'Armada est de l'ordre de 7 millions d'euros, financé par les collectivités territoriales et des partenaires privés. Le coût de la sécurité devrait en revanche être 3 fois plus élevé qu'en 2013. Des caméras de surveillance, des portiques d'entrée, du barrage, mais la manifestation, bien sûr, sera toujours gratuite. Sachez que selon un sondage IFOP, l'Armada est l'événement rouennais le plus connu en France. Selon un sondage Odoxa Litchi ce mardi, les Normands sont ceux qui font le moins de dons financiers. Si la moyenne nationale s'élève à 246 euros par an, les habitants de Normandie donnent 163 euros par an. Un phénomène qui s'explique selon les sondeurs par le fait que la région fait partie de celles dont le revenu brut disponible par habitant est le plus modeste. En revanche, les Normands sont beaucoup plus enclins à faire des dons de vêtements, nourriture, jouets ou de livres. Vent, pluie, soleil, brouillard, froid, quel que soit le temps, votre confort, c'est JV Service. La météo en Normandie avec Jean Vasseur et toute l'équipe JV Service. C'est une très belle journée printanière ensoleillée avec un thermomètre qui grimpera en flèche à 23 degrés sur Pont-Audemer, 25 sur Bernay ou Rouen, 26 sur Évreux, le Pays de Bray ou encore le Beauvaisis et puis 27 sur Louviers, les Andelys et Gisors. Plomberie, chauffage, dépannage, installation, JV Service Louviers, 21 boulevard Joffre, 02 32 59 73 20. JV Service Rouen, numéro Azur, 0821 020 028. 6h34 minutes, à être épanoui, c'est Joe Stone, Is It Really Love? Looks into

Le nouveau Ed Sheeran, il est bien. Happy Hour, 6h47, vous serez pas mal aussi. Ce samedi 23 juin, du côté de Delincourt, charmante petite commune qui se trouve juste à côté de Gisors et qui propose dès 19h30 ce jour-là le feu de la Saint-Jean. Talle mondiale après le ciné. Espace. En Normandie, dans vos salles, en Normandie. Bienvenue, voici notre sélection pour cette semaine au programme de comédie. La première, eh bien, c'est Le Doudou et la deuxième, c'est Bécassine. Espace. Et on débute avec Le Doudou de Philippe Mechelon et Julien Hervé avec Admirade, Malik Bentala et Guy Marchand. C'est quoi ça? Perdu, Doudou récompense. Mon avis, il n'y a que dalle. Si le mec s'est fait chier à venir jusque-là, on va lui prendre un paquet d'osé. Regarde, voilà, il est là, le Doudou. C'est pas sérieux, là? Michel Barré, j'écoute. On l'a retrouvé, votre Doudou. Quoi, déjà? C'est toi qui as trouvé le doudou de ma fille? Merci beaucoup. Plaisir, nous, à Roissy, quand on peut rendre service. Mais c'est pas le doudou de ma fille, ça? Michel a perdu le doudou de sa fille à l'aéroport de Roissy. Il dépose un avis de recherche avec une récompense. Sofiane, employée à l'aéroport, y voit l'occasion de se faire un peu d'argent et prétend avoir retrouvé la peluche. Ça passe, hein? C'est quoi ces conneries? Je peux peut-être vous aider à le retrouver, Sofiane. Michel, t'auras pas ton argent tant que j'ai pas le doudou de ma fille entre les mains, c'est clair? Ah ben voilà, on l'a retrouvé, le nounours. Qu'est-ce qu'elle fait, mamie, là? Non, mamie, non, pose ce doudou, c'est pas fini, là. Y a pas marqué pigeon ici, hein? Ah ben pourtant, y a la place, hein? C'est-à-dire, là? On touche au but. C'est mon osé que je veux toucher au but. C'est une obsession, l'argent, chez toi. Ça s'appelle être pauvre. Voilà, retrouvez cette comédie Le Doudou aujourd'hui dans tous les bons cinémas de Normandie. Espace. Et maintenant passons avec Bécassine de Bruno Podalides avec Émilie Bayard, Karine Viard et Denis Podalides. Bécassine ! Vous cousez ces initiales RG ici et sur les autres serviettes, idem. Oui, madame. Bien, tu pourras aller à Paris. Bécassine naît dans une modeste ferme bretonne un jour où des bécasses survolent le village. Devenue adulte, sa naïveté d'enfant reste intacte. Elle rêve de rejoindre Paris, mais sa rencontre avec Loulotte, petit bébé adopté par la marquise du Grand Air, va bouleverser sa vie. Bonjour Bécassine. Bonjour Madeleine. Bonjour Mademoiselle Châtel. On a vu passer trois nourrices en un mois, alors attention Mademoiselle Bécassine. Vous payez pas de mine comme ça, mais là, vous embauchez un coin. Les marionnettistes, comme moi, je suis danseuse étoile. Ah bon? Vous êtes danseuse étoile? Non. Monsieur Rastakros m'a promis qu'il reviendra. On résume notre sélection pour cette semaine au programme de comédie. La première, Le Doudou, et la deuxième, c'est Bécassine. Bonne toile et bon cinéma en Normandie avec Espace. Plus de son, plus de tubes. Plus de son, plus de tubes. Espace. Espace. Espace. T'es venu danser, oublier que tout va mal. You're gonna feel the magic, the love is getting loud. On est venu chanter l'amour international. Everyone's going crazy, ce soir c'est le mondial. Sens-tu, sens-tu qu'on y est? Sens-tu la folie du monde à nos pieds? Dansons l'humanité, dansons sans y penser. Commencer. Vois-tu les visages se colorier?

sitting here, I miss the power. I'd like to go out, taking a shower. But there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy. And everything will happen, and you wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just another lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, turning, turning, turning, turning around. And all that I can see is just a yellow lemon tree. En plein cœur du Val d'Azay, bonne route pour aller bosser, courage pour le bac aussi. Il est 7h en Normandie et en Picardie, l'info. L'essentiel de l'actualité. Philippe Fournier. Bonjour, bonjour à tous. La coalition au pouvoir à Berlin ne tient plus qu'à un fil en raison de la politique migratoire d'Angela Merkel. Le parti conservateur bavarois a donné un ultimatum de 2 semaines à la chancelière pour réduire drastiquement le flux de migrants. Si la chef du gouvernement fédéral ne parvient pas à trouver un accord avec ses partenaires européens lors du sommet des 28 et 29 juin, son ministre de l'Intérieur menace de refouler aux frontières tous les demandeurs d'asile qui ont déjà été enregistrés dans un autre pays de l'Union européenne. Les États-Unis se retirent du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. L'ambassadrice américaine auprès des Nations Unies a annoncé ce départ en qualifiant l'institution de cloaque de parti pris politique. Kim Jong-un a évoqué hier mardi à Pékin avec le président chinois son sommet historique avec le président américain Donald Trump. Une visite qui illustre les efforts de la Chine pour jouer un rôle constructif dans le dossier nucléaire. Le gouvernement récidive sur l'APL. Les bénéficiaires vont de nouveau perdre 5 euros car les aides au logement ne seront plus revalorisées. Au mois d'octobre, une mauvaise surprise pour tous ceux qui en bénéficient et qu'il n'y aura pas de bonus alors même que les loyers seront plus chers. C'en est fini du front syndical à la SNCF. Si la grève se poursuit, ce sera un ordre dispersé. L'UNSA a annoncé hier qu'elle arrêterait le mouvement le 28 juin comme prévu initialement, alors que la CGT et Sudrail veulent poursuivre la grève en juillet en période de vacances. De son côté, la CFDT réfléchit encore un petit peu. Et puis en football, du côté du mondial, les phases de groupe se poursuivent aujourd'hui en Russie. Le Portugal de Ronaldo affronte le Maroc à 14h. À 17h, l'Uruguay et l'Arabie Saoudite vont se mesurer sur la pelouse. Enfin, la journée va se conclure par une confrontation entre l'Iran et l'Espagne à 20h. De son côté, la Russie a fait un grand pas vers la qualification pour les 8e de finale en battant l'Égypte 3-1 hier soir. Le Sénégal s'est imposé face à la Pologne sur le score de 2-1. Et puis à 10-11, pendant près d'une heure et demie, la Colombie a perdu et c'est une surprise face au Japon sur le score de 2-1. Sur la plus normande des radios, Cédric, 6h-9h. Demain, c'est la fête de la musique, entre autres à Louviers, on en parle à 7h25. Et tout de suite, David Guetta et Sia. Morning Light sur Espace. Figure it out, you can do it.

didn't take me long to fall in love with your mind. And I won't even mention the way your body perfectly designed. So fine. And judging from your outlook on life, I knew this would be more than just one night. But now I'm ready for the next level and you're telling me you need more time. No crime, nothing wrong with waiting a little bit. You know this is more to me than just getting it. But you only get a love like this once in a lifetime. And if this is our chance, I ain't missing it. My whole life I never felt like this. Just wanna run with it, I don't wanna fight this. I ain't rushing you to make up your mind. Just wanna put some more quality in our time. Come on girl. Don't make me wait. Don't make me wait. Can't wait now for love, yeah. Don't make me wait. Don't make me wait. True love, true love, true love you. I don't want you to think I'm rushing you. I know you like to take your time. I'm already sold on the idea of you and I. Tell me where I need to sign. 'Cause I've been searching for a while, girl, and I know what works for me. Oh, oh. All I need to know if this is what you want, girl, 'cause I'm already where I need to be. So don't make me wait. And I don't wanna take my time. I'm putting everything on the line. They say that true love's hard to find. I'm ready now to make your mind. Don't make me wait, baby now, don't make me wait. Well, darling, say, yeah, yeah. Don't make me wait, baby now, don't make me wait. Sting et Shaggy, don't make me wait. Rebonjour Solène. Rebonjour Cédric. Alors, dans une heure, on va teaser un peu, on va parler de WC. Ah bon ? Ouais, pour bon, le moment, c'est l'été, l'infotrafic. Espace Radio. Et en ce mercredi matin sur les routes normandes et picardes, les difficultés sont un peu moins nombreuses, mais les bouchons demeurent bien présents. C'est le cas sur l'agglo rouennaise avec la sub 3 qui connaît quelques petits ralentissements aux portes de Rouen. Difficultés également place Saint-Paul au niveau du pont Mathilde et à la sortie du tunnel de la Grand-Mare. Autre ralentissement au croisement entre les quais bas rive droite et le pont Guillaume le Conquérant. Certains tronçons de route sont fermés à la circulation. Des difficultés sur le réseau autoroutier également au niveau de l'échangeur 24 de Bourtereuld en provenance de la D675 et de la D438. Même constat au niveau de l'échangeur 20 de Cricbeuf sur Seine avec d'importants bouchons depuis Pont de l'Arche. Sur le réseau secondaire entre Rival et les Essarts, il faudra également prendre son mal en patience, tout comme entre Rigoville et Pont de l'Arche. Enfin, sur Évreux, on ne constate aucune difficulté pour le moment. L'info trafic à ne pas mettre dans ses WC. Solène, à tout à l'heure. À tout à l'heure, c'est vrai. Je suis pas sûr qu'elle était bien celle-là. Espace. Plus de son, plus de tubes. Tous passent après minuit, préviens tes copines. Préviens tes copines. Tous passent après minuit, préviens tes copines. Préviens tes copines. Ce soir faut que ça finisse en after dans ma villa. Je veux kiffer les bails comme sur les plages de Madinina. Je veux me taper des bars comme quand je t'aimais Ahmed Silla. Ici y'a trop de monde amable, ta grosse est invivable. Mets-toi sur le deck si tu sais pas danser. D'après la rumeur tu es venu dépenser. La michetonneuse elle-même ne sait plus quoi penser. De toute façon aujourd'hui il n'a plus rien de sensé. Si elle te dit qu'elle veut causer, positif. Son legging va exploser, positif. Elle a quelque chose à te proposer, positif. Mais si elle dit qu'elle veut se poser, négatif. Si elle te dit qu'elle veut causer, positif. Son legging va exploser, positif. Elle a quelque chose à te proposer, positif. Mais si elle dit qu'elle veut se poser, négatif. On est venu faire ce qui est interdit, même s'ils ne sont pas d'accord. Même s'ils ne sont pas d'accord. Mais l'addition sur ma carte de crédit, elle a la couleur de l'or. Mais ils sont plus forts, forts que les voisins. Aujourd'hui

Nirvana sur Espace en Normandie et en Picardie, mercredi 20 juin 2018. C'est maintenant, c'est tout de suite vos places pour Rock in Évreux. 3 jours de concerts de dingue, dont DJ Snake sur scène ou encore Martin Solveig. 0950 35 50 50, vos accès, vos passes, 3 jours à choper maintenant. Bon courage et bonne chance. Sur Espace, surfez sur les années 90. Espace 90s. Tout particulièrement du côté des Andelys. Bon réveil, c'est mercredi, il est 8h et c'est l'info. L'essentiel de l'actualité, Philippe Fournier. Bonjour, bonjour à tous. Tenant le cap malgré le déluge de critiques, Donald Trump revendique sa politique de tolérance zéro aux frontières, appelant les républicains à avancer sur une vaste réforme de l'immigration qui mettrait fin aux séparations des familles de clandestins tout en finançant son mur. Les États-Unis se retirent d'ailleurs du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. L'ambassadrice américaine auprès des Nations Unies annonce ce départ en qualifiant l'institution de cloaque de parti pris politique. La chancelière allemande Angela Merkel prononce aujourd'hui un discours à l'occasion de la journée allemande des réfugiés. La veille, la France et l'Allemagne se sont efforcés de conclure des accords entre les principaux pays de l'Union européenne concernés par l'afflux migratoire pour envoyer les demandeurs d'asile dans le premier pays où ils ont été enregistrés. Emmanuel Macron met le cap aujourd'hui sur la Bretagne pour évoquer les dossiers sensibles de la pêche, des énergies renouvelables en mer ou encore du désenclavement après l'abandon de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Retour du projet de loi sur la sortie du Royaume-Uni Royaume-Uni de l'Union européenne devant la Chambre des communes après un amendement du gouvernement qualifié de trahison par les députés conservateurs pro-Union européenne. Lundi, la Chambre des Lords avait infligé une nouvelle défaite à la Première ministre Theresa May en adoptant à une large majorité un amendement offrant au Parlement un droit de veto sur l'accord final de Brexit en cours de négociation entre Londres et Bruxelles. Terminus pour la grève unitaire à la SNCF. L'UNSA a décidé hier de sortir du mouvement après le 28 juin, refusant de poursuivre en juillet la contestation de la réforme ferroviaire, au contraire de la CGT et de Sud, qui s'achemine vers une grève les 6 et 7 juillet. Le mondial, les phases de groupe se poursuivent aujourd'hui en Russie. Le Portugal de Ronaldo affronte le Maroc à 14h, à 17h l'Uruguay et l'Arabie Saoudite vont se mesurer sur la pelouse. Enfin, la journée va se conclure par une confrontation entre l'Iran et l'Espagne. Match à vivre dès 20h. Sur la plus normande des radios, Cédric, 6h-9h. À 8h20, Johanna, l'actu originale. Petite pensée positive dans moins de 10 minutes. Et maintenant, Armin Van Buuren. Morning Light sur Espace. Take a turn, I'll find your groove. It's alright, we can do this all night. Yeah, I just know your sex body. It's alright, we can be here all night. Always been in need of sex, love and water. Still a place you wanna make love all night. Always been in need of sex, love and water. Sur Espace. Everything you hope for, I get a feeling.

Espace en Normandie. Bon, j'ai teasé il y a une heure. On va parler de WC, mais on va apprendre des choses, Solène. Bon, bah vas-y. Ça fait partie de la vie en même temps. Le saviez-vous, les WC appelés toilettes turques en France sont appelés toilettes grecques en Turquie. Voilà. Amir. Chacun parle sa propre langue. Très souvent, elle tangue entre le yin et le yang. Tu me retiens, tu me mets des sangles. Quand tu vas trop loin, il arrive que je m'étrangle. Les mots de ma pensée m'ont parfois dépassé. Pour une fois, viens, on efface. Oublions nos beautés, on s'est mis de côté. Je veux qu'on se regarde bien en face. Je ne squatterai plus les rues de ma peine. Quand je suis perdu, je veux que tu me ramènes. Je veux qu'on aille bien, je veux qu'on aille loin et qu'on traîne. Je ne squatterai plus. Je me plante entre l'ami et la menthe. Les démons chantent et nous démentent. Pour te préserver, est-ce qu'il faut que je te mente? Suspendu sans arrêt au fil de nos marées, une vague à l'âme qui nous dépasse. Collé à nos égos, posés comme des Legos, je veux qu'on se laisse un peu d'espace. Je ne squatterai plus les rues de ma peine. Quand je suis perdu, je veux que tu me ramènes. Je veux qu'on aille. Je veux qu'on aille loin et qu'on traîne. Je ne squatterai plus les rues de ma peine. L'amour ça tue, sauf quand tu te démènes. Je veux qu'on fasse bien, je veux qu'on s'aille loin et qu'on traîne. Le temps idéal, c'est quand on se met à l'abri pour mater les étoiles. Je ne squatterai plus les rues de ma peine. Quand je suis perdu, je veux que tu me ramènes. Je veux qu'on aille bien, je veux qu'on aille loin et qu'on traîne. Je ne squatterai plus. Solène, on peut revenir sur mon info très intéressante. Hein. Les WC appelés toilettes turques en France sont appelés toilettes grecques en Turquie. Et ces mêmes toilettes sont appelées toilettes bulgares en Grèce et toilettes chinoises au Japon. D'accord, voilà. Donc en fait, tout le monde dit que c'est à quelqu'un d'autre parce que tout le monde a honte d'assumer le concept. Exactement, quoi. Alors que les toilettes, c'est hyper important. On a tous besoin d'y aller. Parfois, toi, tu y restes des heures le matin. Oui. voilà, on peut parler de la toilette vegan, la toilette sèche. Exactement. Bon, allez, bon courage à vous si vous êtes au petit-déj. On commence dans le département de l'Eure avec sa capitale, Évreux, et des difficultés pour y accéder en passant par la D830, la route de Conches et l'avenue du Maréchal Foch. Ralentissement également en passant par la D6154 à hauteur d'Angerville-la-Campagne. Toujours sur le département de l'Eure, sur le réseau secondaire, sur la N154 à hauteur d'Aquigny, des travaux ralentissent la circulation sur la N154 en direction d'Eudreville sur Eure. Également des ralentissements entre Trigoville et Pont-de-l'Arc. Sur le réseau autoroutier, des bouchons sont bien sûr enregistrés au niveau de l'échange urbain de Cricbeuf-sur-Seine en provenance de Pont-de-l'Arche. Des difficultés également pour accéder à l'agglomération rouennaise, la sud 3 bouchonne au Petit Quevilly. Des ralentissements sont enregistrés au niveau du boulevard industriel et route de Paris à Onfreville-Lamivoie et dans l'hypercentre bien sûr. Parfois on est classe et puis il y a des jours, non. Solène, à demain. C'est toi qui choisis les sujets. À demain Cédric. Est-ce que tu...

demain, on fêtera la musique en avance, bien sûr. Quoique non, le jour même, Cédric, remets-toi à jour. Joan Osborne, One of Us, avant 9h. Et puis vos places pour Rock in Hebrew demain à 7h55, vous pourrez peut-être les gagner. Pour cela, il faudra être dans les premiers à composer le numéro de téléphone. Belle journée tout le monde, ciao. Espace, toutes les années 90 sont sur Espace. Morning d'Espace, il est 9h pile en plein cœur de Rouen comme partout en Normandie. On démarre avec les infos. L'essentiel de l'actualité. Philippe Fournier. Bonjour à tous. C'en est fini du front syndical à la SNCF. Si la grève se poursuit, eh bien, ça sera en ordre dispersé. L'UNSA a annoncé hier qu'elle arrêterait le mouvement le 28 juin, comme prévu initialement, alors que la CGT et Sudrail veulent poursuivre la grève en juillet, en période de vacances. Du côté de la CFDT, eh bien, le syndicat décidera d'ici au 28 juin, qui sera le 36e et dernier jour du calendrier de la mobilisation par épisode de 2 jours de grève sur 5 lancés le 3 avril. Le gouvernement récidive sur l'APL. Les bénéficiaires vont de nouveau perdre 5 euros car les aides au logement ne seront plus revalorisées au mois d'octobre. Une mauvaise surprise pour tous ceux qui en bénéficient et car il n'y aura pas de bonus alors même que les loyers seront plus chers. La nouvelle de ce qui s'apparente à un nouveau coup de rabot fait hurler les associations. La coalition au pouvoir à Berlin ne tient plus qu'à un fil en raison de la politique migratoire d'Angela Merkel. Le parti conservateur bavarois a donné un ultimatum de 2 semaines à la chancelière pour réduire drastiquement le flux de migrants si la chef du gouvernement fédéral ne parvient pas à trouver un accord avec ses partenaires européens lors du sommet des 28 et 29 juin. Son ministre de l'Intérieur et ancien ministre-président de Bavière menace en fait de refouler aux frontières tous les demandeurs d'asile qui ont déjà été enregistrés dans un autre pays de l'Union européenne. En football au mondial, la Russie a fait un grand pas vers la qualification pour les 8e de finale en battant l'Égypte d'un bien faible Mohamed Salah, le score 3-1. Lors de la 2e journée du groupe A, les Lions de la Teranga ont réussi une nouvelle fois leur début au mondial en offrant quant à eux au continent africain sa première victoire, comme en 2002 où le Sénégal était allé jusqu'en quart de finale. Le Sénégal a dominé hier la Pologne 2-1. Et puis à 10 contre 11 pendant près d'une heure et demie, la Colombie s'est mise toute seule en grande difficulté. Elle a perdu contre l'adversaire supposé le plus faible de son groupe, le Japon, 2-1 donc hier en Russie. Sur la plus normande des radios, Capucine. Et après les infos, le retour des tubes avec Dirty Sex et Money, David Guetta, Afrojack et Charlie XCX. Espace, plus de son, plus de tubes. Want you bad. Saw you in the moonlight. Think you're looking fine. Want you bad. It got me good. Never turn back. Make you mine. Coming for the taking. Promise you I'm wearing the crown. Number one. Spin your head around. Plus de...

after 9 minutes she come back for more. She take off the shoes and pan the dance floor. Then she start to broke out like a sword. The night is hazy, I'm feeling lazy. But now that you're working, I'm about to get crazy. The way you're walking, the way you're dancing, you got me moving and doing things that I've never done. Sur Espace et je vous invite à Gournay-en-Bray pour la 65e édition Saint-Clair organisée par le comité des fêtes du 12 au 16 juillet 2018 avec une fête foraine du 6 au 16 juillet, un barbecue géant le 14 juillet à midi et une élection de la Miss le 13 juillet à 23h. Plus d'infos au 02 35 09 21 20. Espace. Montez le son. Salut, aujourd'hui on monte le son avec l'indie rock psyché britannique de Steve Humber. Et on écoute le titre What the Radio. Steve Humber, vous ne le connaissez peut-être pas, alors découvrons-le ensemble. Steve Humber n'est personne, mais se personnifie dans l'indie rock psyché britannique. Steve Humber offre des mélodies aériennes auxquelles se joignent des textes oniriques sur fond de psychédélisme. Le résultat est tout en vapeur mélancolique et en recherche. Steve Humber est partout et nulle part à la fois, mais la tête dans les étoiles avec ce nouveau 5 titres enregistrés From a Temple on the Hill. What the Radio vient de sortir, allez le mater sur le web et rappelez-vous de Steve Humber. Retour des tubes, écoutez ça. Camaleon, tu que quieres loca? Suelta menina, yo no quiero saber nada contigo. Aquí el gama. Es que conmigo no puede. Te viene con su rollo. Para seducirte saca las curvas que te enamoran. No te desviste porque te lleva hasta el engaño. Déjame, nena. Así que ya sabes. Quitándose del tubo, hombre.